question avant de passer le petit extrait, parce que donc c'est à partir de mon article qui a été publié dans le numéro de Clio sur donc les années 68, révolution dans le genre, qui est sorti l'année dernière, qui s'intitule « La crise de nerfs de la souffrance à la résistance », que je souhaite donc intervenir maintenant. Alors je vais le compléter avec des nouvelles sources et je vais orienter du coup ma présentation autour de la problématique du séminaire. Alors je reprends très rapidement avant de passer l'extrait. Les hypothèses que j'avais formulées dans l'article sont en substance donc les suivantes. Il est souvent question de nerfs, de fatigue nerveuse ou de dépression nerveuse dans les années 68. La revue Antoinette, donc, qui est le mensuel féminin de la CGT, y consacre d'ailleurs un dossier entier dans son numéro de juillet-août 1968, dossier qui fait intervenir un médecin qui explique ce qui se passe pour qu'il y ait des problèmes de nerfs. Concernant donc la crise de nerfs en particulier, elle existait sans aucun doute avant et semble continuer après la période des années 68. Je vais faire référence tout à l'heure dans mon exposé à un entretien réalisé en 1994 qui y revient. Donc elle existait avant, puisque Madeleine Guilbert y fait déjà référence dans les fonctions des femmes dans l'industrie, puisqu'elle y cite un rapport d'une commission d'études de la Ligue d'hygiène mentale de 1956 qui évoque, c'est assez intéressant, de nombreux cas d'accidents du travail, de manifestations anxieuses, dépressives, ou hystéroïdes. Dans tel atelier, on relève une crise de nerfs, pour 600 heures travaillées. Alors, le terme d'hystéroïde, probablement pour ne pas dire hystérique, est ici révélateur du fait que la plupart du temps, ce type de comportement est considéré comme spécifiquement féminin, avec du coup son corollaire de dévalorisation et son appréciation péjorative et stigmatisante. Alors, selon ces conventions, cet événement n'a donc finalement rien d'extraordinaire dans les usines embauchant des ouvrières. Donc c'est un peu ce que je vais expliquer aussi ça là-dessus. Et en même temps, ce qui se passe, c'est que la crise de nerfs d'une ouvrière est la manifestation individuelle d'une souffrance vécue au travail. Par là, elle est utilisée par les autres ouvrières pour nommer les conséquences des conditions de travail, voire les conditions de travail directement. La crise de nerfs d'une des ouvrières est donc appropriée collectivement. Les ouvrières retournent le stigmate initial pour en faire un symptôme collectif de la violence vécue au travail, rendant ainsi visible leur souffrance. Puis de symptôme, la crise de nerfs devient un déclencheur, si ce n'est de grève directement, du moins d'arrêt de chaîne ponctuelle ou d'arrêt de travail ponctuel. Alors, en reprenant donc ces hypothèses que je viens de formuler, je voulais orienter ma présentation sur les différentes écritures de la crise de nerfs et leurs fonctions dans le passage justement de la manifestation individuelle d'une souffrance à la résistance collective des ouvrières. Envisager donc les écritures non plus seulement comme des révélateurs d'une réalité, mais aussi dans leurs implications dans la réalité. Donc ma présentation va comporter trois parties. Donc d'abord montrer comment l'écriture de la crise de nerfs des ouvrières porte en elle les souffrances accumulées au travail, et ce à travers l'écriture cinématographique, et donc en particulier donc, de Marine Garnitz dans Coup pour coup. Dans une deuxième partie, je vais montrer en quoi l'écriture de la crise de nerfs devient une preuve des conditions de travail des ouvrières, et enfin j'expliquerai en quoi ça se transforme finalement en un outil de revendication contre ces mêmes conditions de travail. Alors les sources sur lesquelles je vais m'appuyer sont diverses. Donc d'abord Coup pour coup de Marine Garnitz, donc je vais passer un petit extrait. Je vais avoir aussi recours aux sources syndicales, en particulier donc la CGT à travers Antoinette, donc le mensuel féminin. Mais aussi des sources locales de la CGT et de la CFDT de chez Chantel, donc l'entreprise chantaise de la lingerie, en fait, qui sont déposées au Centre d'histoire du travail de Nantes, sur lesquelles j'ai travaillé. Alors, j'utiliserai aussi, parce que je suis en cours de travail là-dessus, donc certaines revues féministes, comme les Cahiers du féminisme et les Pétroleuses. Alors, les Cahiers du féminisme sont une revue féministe de la LCR, et les Pétroleuses, c'était une revue du courant lutte de classe du MLF. Alors j'ai évidemment relevé j'ai commencé donc les revues féministes, donc il y en a que j'ai pas encore travaillé, Mais aussi, évidemment, je m'intéresse aux revues qui évoquent la question des ouvrières. Donc, il y a aussi des revues sur lesquelles j'ai travaillé, où en fait, par exemple, dans Elle Voit Rouge, j'ai pas trouvé de référence à des ouvrières de manière. Je n'y attendais pas. Voilà. Donc, pour le moment, sur ces deux revues-là, et je vais aussi m'appuyer sur les cahiers de mai, puisque j'ai commencé à travailler donc, sur les sources des cahiers de mai qui sont répertoriés donc, à la BDIC. Les cahiers de mai, qui était donc un journal du début des années 68, donc 68-74, qui se veut en fait le porte-voix et l'amplificateur des conflits au sein des entreprises, en privilégiant donc les formes les plus radicales et les plus révolutionnaires. Alors donc d'abord, la crise de nerfs dans l'écriture cinématographique comme révélateur des souffrances mentales accumulées. Alors coup pour coup, c'est donc c'est un film de Marine Kermitz, représentation tant du travail et du quotidien des ouvrières que de la façon dont les grèves sont menées, ou plutôt devraient être menées, puisque coup pour coup est avant tout un film militant, témoin de l'engagement maoïste d'alors de Marine Kermitz. Marine Kermitz, pardon. Alors cette séquence va faire en fait un tournant dans le film. Hein, donc elle intervient au début du film, mais il s'est déjà passé plusieurs choses avant. C'est-à-dire qu'avant, on a déjà vu un peu les conditions de travail des ouvrières. On a vu un peu ce qui se passait chez elles, c'est-à-dire leur retour de l'usine, le fait qu'après, elles allaient faire des courses avec leurs enfants, comment elles se comportaient avec leurs enfants, comment chez elles, elles faisaient leur passage, les pâtes, tout en discutant avec leurs enfants. On a vu tout ça. Et on voit donc cette séquence qui va en fait être décisive, qui va après enclencher donc le processus de grève dont il va être question dans le film.